Quatrième partie. Les Karénine continuèrent à vivre sous le même toit, à se rencontrer chaque jour et à rester complètement étrangers l'un à l'autre. Alexis Alexandrovitch se faisait un devoir d'éviter les commentaires des domestiques en se montrant avec sa femme, mais il dînait rarement chez lui. Vronsky ne paraissait jamais. Anne le rencontrait au dehors et son mari le savait. Tous les trois souffraient d'une situation qui eût été intolérable si chacun d'eux ne l'avait jugée transitoire. Alexis Alexandrovitch s'attendait à voir cette belle passion prendre fin, comme toute chose en ce monde, avant que son honneur fût ostensiblement entaché. Anna, la cause de tout le mal et sur qui les conséquences en pesaient le plus cruellement, n'acceptait sa position que dans la conviction d'un dénouement prochain. Quant à Vronsky, il avait fini par croire comme elle. Vers le milieu de l'hiver, Vronsky eut une semaine ennuyeuse à traverser. Il fut chargé de montrer Pétersbourg à un prince étranger, et cet honneur que lui valurent son irréprochable tenue et sa connaissance des langues étrangères lui parut fastidieux. Le prince voulait être à même de répondre aux questions qui lui seraient adressées au retour sur son voyage et profitait cependant de tous les plaisirs spécialement russes. Il fallait donc l'instruire le matin et l'amuser le soir. Or, ce prince jouissait d'une santé exceptionnelle, même pour un prince, et il était arrivé, grâce à des soins minutieusement hygiéniques de sa personne, à supporter des fatigues excessives, tout en restant frais comme un grand concombre hollandais vert et luisant. Il avait beaucoup voyagé, et l'avantage incontestable qu'il reconnaissait aux facilités de communication moderne était de pouvoir s'amuser de façon variée. En Espagne, il avait donné des sérénades, courtisé des Espagnols et joué de la mandoline. En Suisse, il avait chassé le chamois. En Angleterre, sauter des haies en habit rouge et parler de tuer 200 faisans. En Turquie, il avait pénétré dans un harem. Aux Indes, il s'était promené sur des éléphants et maintenant il tenait à connaître les plaisirs de la Russie. Vronsky, en sa qualité de maître des cérémonies, organisa, non sans peine, le programme des divertissements. C'était les blinis, hein, les courses de trotteurs, la chasse à l'ours, les parties de troïka, les bohémiennes, les réunions intimes dans lesquelles on lançait au plafond des plateaux chargés de vaisselle. Le prince s'assimilait ses divers plaisirs avec une rare facilité et s'étonnait, après avoir tenu une bohémienne sur ses genoux et brisé tout ce qui lui tombait sous la main, que l'entrain russe s'arrêta là. Au fond, ce qui l'amusa le plus, ce furent les actrices françaises, les danseuses et le champagne. Vronsky connaissait les princes en général, mais soit qu'il eût changé dans les derniers temps, soit que l'intimité de celui qu'on le chargeait de divertir fût particulièrement pénible, cette semaine lui sembla cruellement longue. Il éprouva l'impression d'un homme préposé à la garde d'un fou dangereux qui redouterait son malade et craindrait pour sa propre raison. Malgré la réserve officielle où il se retranchait, il rougit plus qu'une fois de colère en écoutant les réflexions du prince sur les femmes russes qu'il daigna étudier. Ce qui irritait le plus violemment Vronsky dans ce personnage, c'était de trouver en lui comme un reflet de sa propre individualité, et ce miroir n'avait rien de flatteur. L'image qu'il y voyait était celle d'un homme bien portant, très soigné, fort sot et enchanté de sa personne, d'humeur égale avec ses supérieurs, simple et bon enfant avec ses égaux, froidement bienveillant vers ses inférieurs, mais gardant toujours l'aisance et les façons d'un gentleman. Vronsky se comportait exactement de même, et s'en était fait un mérite jusque-là. Mais comme il jouait auprès du prince un rôle inférieur, ses airs dédaigneux l'exaspérèrent. « Quel sot personnage ! Est-il possible que je lui ressemble » pensait-il. Aussi, au bout de la semaine, fut-il soulagé de quitter ce miroir incommode sur le quai de la gare, où le prince, en partant pour Moscou, lui adressa ses remerciements. Il revenait d'une chasse à l'ours et la nuit s'était passée à donner une brillante représentation de l'audace russe. Vronski trouva en rentrant chez lui un billet d'Anna. « Je suis malade et malheureuse, écrivait-elle. Je ne puis sortir et ne puis me passer plus longtemps de vous voir. Venez ce soir. Alexis Alexandrovitch sera au conseil de 7h à 10h. » Cette invitation, faite malgré la défense formelle du mari, lui sembla étrange, mais il finit par décider qu'il irait chez Anna. Depuis le commencement de l'hiver, Vronski était colonel et depuis qu'il avait quitté le régiment, il vivait seul. Après son déjeuner, il s'étendit sur un canapé et le souvenir des scènes de la veille se lia d'une façon bizarre dans son esprit à celui d'Anna et d'un paysan qu'il avait rencontré à la chasse. Il finit par s'endormir et quand il se réveilla, la nuit était venue. Il alluma une bougie avec une impression de terreur qu'il ne put s'expliquer. « Mais que m'est-il arrivé? Qu'ai-je vu de si terrible en rêve ?» se demanda-t-il. « Ah oui, oui, le paysan, un petit homme sale à barbe ébouriffée, faisait je ne sais quoi, courbé en deux, et prononçait en français des mots étranges. Bon, je n'ai rien rêvé d'autre. Pourquoi cette épouvante ?» Mais, en se rappelant le paysan et ses mots français incompréhensibles, il se sentit frissonner de la tête aux pieds. « Quelle folie !» pensa-t-il en regardant sa montre. Il était plus de 8h30. Il appela son domestique, s'habilla rapidement, sortit, et oubliant complètement son rêve, ne s'inquiéta plus que de son retard. En approchant de la maison Karénine, il regarda encore sa montre et vit qu'il était 9h10. Un coupé attelé de deux chevaux gris était arrêté devant le perron. Il reconnut la voiture d'Anna. « Elle vient chez moi, se dit-il. Oh, cela vaut bien mieux. Je déteste cette maison, mais cependant, je ne veux pas avoir l'air de me cacher. » Et, avec le sang-froid d'un homme habitué de l'enfance à ne pas se gêner, il quitta son traîneau et monta le perron. La porte s'ouvrit et le Suisse, portant un plaid, fit avancer la voiture. Quelque peu observateur que fut Vronski, la physionomie étonnée du Suisse le frappa. Il avança cependant et vint presque se heurter à Alexis Alexandrovitch. Un bec de gaz placé à l'entrée du vestibule éclaira en plein sa tête pâle et fatiguée. Il était en chapeau noir et sa cravate blanche ressortait sous un col de fourrure. Les yeux mornes et ternes de Karénine se fixèrent sur Vronski. Celui-ci salua et Alexis Alexandrovitch, serrant les lèvres, leva la main à son chapeau et passa. Vronski le vit monter en voiture sans se retourner, prendre par la portière le plaid et la lorgnette que lui tendait le Suisse et disparaître. « Quelle situation !» pensa Vronski, entrant dans l'antichambre, les yeux brillants de colère. « Si encore il voulait défendre son honneur, je pourrais agir, traduire mes sentiments d'une façon quelconque. Mais cette faiblesse, cette lâcheté, mais j'ai l'air de venir le tromper, ce que je ne veux pas. » Depuis l'explication qu'il avait eue avec Anna au jardin Vred, les idées de Vronski avaient beaucoup changé. Il avait renoncé à des rêves d'ambition incompatibles avec sa situation irrégulière et ne croyait plus à la possibilité d'une rupture. Aussi était-il dominé par les faiblesses de son amie et par ses sentiments pour elle. Quant à Anna, après s'être donnée tout entière, elle n'attendait rien de l'avenir qui ne lui vint de Vronsky. Celui-ci entendit, en franchissant l'antichambre, des pas qui s'éloignaient et comprit qu'elle rentrait au salon après s'être tenue aux aguets pour l'attendre. « Non !» s'écria-t-elle en le voyant entrer. « Non, cela ne peut pas continuer ainsi !» Et au son de sa propre voix, ses yeux se remplirent de larmes. « Mais qu'y a-t-il, mon ami ? Oh, mais il y a que je t'attends, que je suis à la torture depuis 2 heures. Mais non, non, je ne veux pas te chercher querelle. Si tu n'es pas venu, c'est que tu as eu quelque empêchement sérieux. Non, je ne te gronderai plus. » Elle lui posa ses 2 mains sur les épaules et le regarda longtemps de ses yeux profonds et tendres, quoique scrutateurs. Elle le regardait pour tout le temps où elle ne l'avait pas vu, comparant, comme toujours, l'impression du moment au souvenir qu'il lui avait laissé et, comme toujours, sentant que l'imagination l'emportait sur la réalité. « Tu l'as rencontré ?» demanda-t-elle quand ils furent assis sous la lampe près de la table du salon. « C'est ta punition pour être venue si tard. » « Comment cela s'est-il fait ? Ne devait-il pas aller au conseil ?»« Il y a été, mais il en est revenu pour repartir, je ne sais où. »« Oh, ce n'est rien, n'en parlons plus. Dis-moi où tu as été, toujours avec le prince ?» Elle connaissait les moindres détails de sa vie. Il voulut répondre que, n'ayant pas dormi de la nuit, il s'était laissé surprendre par le sommeil, mais la vue de ce visage ému et heureux lui rendit cet aveu pénible, et il s'excusa sur l'obligation de présenter son rapport après le départ du prince. « C'est fini maintenant, il est parti. »« Oh oui, Dieu merci. Tu ne saurais croire combien cette semaine m'a paru insupportable. »« Pourquoi n'avez-vous pas mené la vie qui vous est habituelle à vos autres jeunes gens ?» dit-elle en fronçant le sourcil et prenant, sans regarder Vronsky, un ouvrage au crochet qui se trouvait sur la table. « Peu renoncé à cette vie depuis longtemps, » répondit-il, cherchant à deviner la cause de la transformation subite de ce beau visage. « Je t'avoue, » ajouta-t-il en souriant et découvrant ses dents blanches, il m'a été souverainement déplaisant de revoir cette existence comme dans un miroir. Elle lui jeta un coup d'œil peu bienveillant et garda son ouvrage en main sans y travailler. « Ah, Lise est venue me voir ce matin. Elles viennent encore chez moi, malgré la comtesse Lydie, et m'a raconté vos nuits athéniennes. Quelle horreur ! Oh, je voulais dire... « Que vous êtes odieux, vous autres hommes. Comment pouvez-vous supposer qu'une femme oublie ?» dit-elle, s'animant de plus en plus et dévoilant ainsi la cause de son irritation. « Et surtout, une femme qui, comme moi, ne peut connaître de ta vie que ce que tu veux bien lui en dire. Et puis-je savoir si c'est la vérité ?»« Anna !» « Ne me crois-tu donc plus ? T'ai-je jamais rien caché ?»« Tu as raison, mais si tu savais combien je souffre, » dit-elle, cherchant à chasser ses graines jalouses. « je te crois, mais qu'avais-tu voulu me dire ?» Il ne put se le rappeler. Les accès de jalousie d'Anna devenaient fréquents, et quoi qu'il fît pour le dissimuler, ces scènes, preuves d'amour pourtant, le refroidissaient pour elle. Combien de fois ne s'était-il pas répété que le bonheur n'existait pour lui que dans cet amour ? Et maintenant qu'il se sentait passionnément aimé, comme peut l'être un homme auquel une femme a tout sacrifié, le bonheur semblait plus loin de lui qu'en quittant Moscou. « Eh bien, alors dis ce que tu avais à me dire sur le prince, » reprit Anna. J'ai chassé le démon, ils appelaient ainsi entre eux ces accès de jalousie. Tu avais commencé à me raconter quelque chose. En quoi sont ces jours? T'a-t-il été désagréable? Il a été insupportable, répondit Vronsky, cherchant à retrouver le fil de sa pensée. Le prince ne gagne pas à être vu de près. Je ne saurais le comparer qu'à un de ces animaux bien nourris qui reçoivent des prix aux expositions, ajouta-t-il d'un air contrarié qui parut intéresser Anna. C'est un homme instruit, cependant, qui a beaucoup voyagé. Oh, dirait qu'il est instruit que pour avoir le droit de mépriser l'instruction, comme il méprise du reste tout, excepté les plaisirs matériels. Mais ne les aimez-vous pas tous, ces plaisirs? Dit Anna, avec un regard triste qui le frappa encore. Mais pourquoi le défends-tu ainsi? Demanda-t-il en souriant. Oh, je ne le défends pas. Il m'est trop indifférent pour cela, mais je ne puis m'empêcher de croire que si cette existence t'avait tant déplu, tu aurais pu te dispenser d'aller admirer cette Thérèse en costume d'Ève. Voilà le diable qui revient, dit Vronsky, attirant vers lui pour la baiser une des mains d'Anna. Oui, c'est plus fort que moi. Tu ne t'imagines pas ce que j'ai souffert en t'attendant. Je ne crois pas être jalouse, au fond. Quand tu es là, je te crois. Mais quand tu es au loin, à mener cette vie incompréhensible pour moi. Elle s'éloigna de lui et se prit à travailler fébrilement, en filant avec son crochet des mailles de laine blanche que la lumière de la lampe rendait brillante. Raconte-moi comment tu as rencontré Alexis Alexandrovitch, demanda-t-elle tout à coup d'une voix encore contrainte. Oh, nous sommes presque heurtés à la porte. Et il t'a salué comme cela? Elle allongea son visage, fermait à demi les yeux et changea l'expression de sa physionomie à tel point que Vronsky ne put s'empêcher de reconnaître Alexis Alexandrovitch. Il sourit et Anna se mit à rire, de ce rire frais et sonore qui faisait un de ses grands charmes. « Je ne le comprends pas, dit Vronsky. J'aurais compris qu'après votre explication à la campagne, il eût rompu avec toi et m'eût provoqué en duel. Mais comment peut-il supporter la situation actuelle? On voit qu'il souffre. Lui ? Dit-elle avec un sourire ironique, « mais il est très heureux. » Mais pourquoi nous torturons-nous tous quand tout pourrait s'arranger? Cela ne lui convient pas. Oh, que je la connais, cette nature faite de mensonges. Qui donc pourrait, à moins d'être insensible, vivre avec une femme coupable comme il vit avec moi, lui parler comme il me parle, la tutoyer? Et elle imita la manière de dire de son mari. « Toi, ma chère Anna, ce n'est pas un homme, te dis-je, c'est une poupée. Si j'étais à sa place, il y a longtemps que j'aurais déchiré en morceaux une femme comme moi, au lieu de lui dire « Toi, ma chère Anna, mais ce n'est pas un homme, c'est une machine ministérielle. Il ne comprend pas qu'il ne met plus rien, qu'il est de trop. » Non, allez, ne parlons plus de lui. Tu es injuste, cher ami, dit Vronsky en cherchant à la calmer. Mais ah ben non, ne parlons plus de lui. Parlons de toi, de ta santé. Qu'a dit le docteur? Elle le regardait avec une gaieté railleuse et aurait volontiers continué à tourner son mari en ridicule. Mais il ajouta. « Tu m'as écrit que tu étais souffrante. Cela tient à ton état, je pense. Quand ce sera-t-il ? » Le sourire ailleurs disparut des lèvres d'Anna et fit place à une expression pleine de tristesse. « Bientôt, bientôt. Tu dis que notre position est affreuse et qu'il faut en sortir. Si tu savais... ce que je donnerais pour pouvoir t'aimer librement. Je ne te fatiguerai plus de ma jalousie, mais bientôt, bientôt tout changera, et pas comme nous le pensons. » Elle s'attendrissait sur elle-même, les larmes l'empêchèrent de continuer, et elle posa sa main blanche, dont les bagues brillaient à la lumière de la lampe, sur le bras de Vronsky. « Ben, je ne comprends pas, » dit celui-ci, quoiqu'il comprît fort bien. « Tu demandes quand ce sera ?»« Bientôt, et je n'y survivrai pas, » elle parlait précipitamment. « je le sais avec certitude. Je mourrai, je suis très contente de mourir et de vous débarrasser tous les deux de moi. » Ses larmes coulaient, tandis que Vronsky baisait ses mains et cherchait en la calmant à cacher sa propre émotion. « Il vaut mieux qu'il en soit ainsi, » dit-elle en lui serrant vivement la main. « Mais quelle sottise que tout cela !» dit Vronsky en relevant la tête et reprenant son sang-froid. « Quelles absurdités !»« Non, je dis vrai. »« Qu'est-ce qui est vrai ?»« Que je mourrai. Je l'ai vu en rêve. »« En rêve !» Et Vronsky se rappela involontairement le moujik de son cauchemar. « Oui, en rêve, » continua-t-elle, « il y a déjà longtemps de cela. Je rêvais que j'entrais en courant dans ma chambre pour y prendre je ne sais quoi. Je cherchais, tu sais comme on cherche en rêve, et dans le coin de ma chambre, j'apercevais quelque chose debout. « Mais quelle folie ! Comment crois-tu ? » Mais elle ne se baissa pas à interrompre. Ce qu'elle racontait lui semblait trop important. Et ce quelque chose se retourne, et je vois un petit moujik sale, à barbe ébouriffée. Je veux me sauver, mais il se penche vers un sac dans lequel il remue un objet. Elle fit le geste de quelqu'un fouillant dans un sac. La terreur était peinte sur son visage, et Vronsky, se rappelant son propre rêve, sentit cette même terreur l'envahir. Et tout en cherchant, il parlait vite et vite, en français, en grasseyant, tu sais. Il faut le battre, le faire, le broyer, le pétrir. Je cherchais à m'éveiller, mais ne me réveillais qu'en rêve, en me demandant ce que cela signifiait. J'entendis alors quelqu'un me dire « En couche !»« Vous mourrez en couche, ma petite mère !» Et enfin je revins à moi. « Quelles absurdités !» dit Vronsky, dissimulant mal son émotion. « Oh, n'en parlons plus, allez, sonne, je vais faire servir du thé. Reste encore, nous n'en avons plus pour longtemps. » Mais elle s'arrêta, et tout à coup l'horreur et l'effroi disparurent de son visage, qui prit une expression de douceur attentive et sérieuse. Vronsky ne comprit rien d'abord à cette transfiguration soudaine. Elle venait de sentir une vie nouvelle s'agiter dans son sein. Après la rencontre avec Vronsky, Alexey Alexandrovitch, comme c'était son projet, s'était rendu à l'opéra italien. Il y entendit deux actes, parla à tous ceux à qui il devait parler, et en rentrant chez lui, à la droite à sa chambre, après avoir constaté l'absence de tout paletot d'uniforme dans le vestibule. Contre son habitude, au lieu de se coucher, il marcha de long en large jusqu'à 3 heures du matin. La colère le tenait éveillé, car il ne pouvait pardonner à sa femme de n'avoir pas rempli la seule condition qu'il lui eût imposée, celle de ne pas recevoir son amant chez elle. Puisqu'elle n'avait pas tenu compte de cet ordre, il devait la punir, exécuter sa menace, demander le divorce et lui retirer son fils. Cette menace n'était pas d'une exécution aisée, mais il voulait tenir parole. La comtesse Lydie avait souvent fait allusion à ce moyen de sortir de sa déplorable situation, et le divorce était devenu récemment d'une facilité pratique si perfectionnée qu'Alexis Alexandrovitch entrevoyait la possibilité d'éluder les principales difficultés de forme. Un malheur ne venant jamais seul, il éprouvait tant d'ennuis relativement à la question soulevée par lui sur les étrangers qu'il se sentait depuis quelque temps dans un état d'irritation perpétuelle. Il passa la nuit sans dormir, sa colère grandissant toujours, et ce fut avec une véritable exaspération qu'il quitta son lit, s'habilla à la hâte et se rendit chez Anna aussitôt qu'il l'a su lever. Il craignait de perdre l'énergie dont il avait besoin, et ce fut en quelque sorte à deux mains qu'il porta la coupe de ses griefs afin qu'elle ne débordât pas en route. Anna, qui croyait connaître à fond son mari, fut saisie en le voyant entrer le front sombre, les yeux tristement fixés devant lui sans la regarder, et les lèvres serrées avec mépris. Jamais elle n'avait vu autant de décision dans son maintien. Il entra sans lui souhaiter le bonjour, et alla droit au secrétaire dont il ouvrit le tiroir. « Mais que vous faut-il ? » s'écria Anna. « Les lettres de votre amant. »« Elles ne sont pas là, » dit-elle en fermant le tiroir. Mais il comprit au mouvement qu'elle fit, qu'il avait deviné juste, et repoussant brutalement sa main, il s'empara du portefeuille dans lequel Anna gardait ses papiers importants. Malgré les efforts de celle-ci pour le reprendre, il la tint à distance. « Asseyez-vous, j'ai besoin de vous parler, » dit-il. Et il mit le portefeuille sous son bras et le serra si fortement du coude que son épaule en fut soulevée. Anna le regarda, étonnée et effrayée. « Ne vous avais-je pas défendu de recevoir votre amant chez vous ?»« J'avais besoin de le voir pour... » Elle s'arrêta, ne trouvant pas d'explication plausible. « Je n'entre pas dans ces détails et n'ai aucun désir de savoir pourquoi une femme a besoin de voir son amant. « Je voulais seulement, » dit-elle rougissant et sentant que la grossièreté de son mari lui rendait son audace, « est-il possible que vous ne sentiez pas combien il vous est facile de me blesser ?»« On ne blesse qu'un honnête homme ou une honnête femme, mais dire d'un voleur qu'il est un voleur n'est que la constatation d'un fait. » Voilà un trait de cruauté que je ne vous connaissais pas. « Vous trouvez un mari cruel lorsqu'il laisse à sa femme une liberté entière, sous la seule condition de respecter les convenances ? Selon vous, c'est de la cruauté ? Mais c'est pis que cela, c'est de la lâcheté, si vous tenez à le savoir !» s'écria Anna avec emportement et elle se leva pour sortir. « Non ! » cria-t-il d'une voix perçante, la forçant à se rasseoir et lui prenant le bras. Ses grands doigts osseux la serraient si durement qu'un des bracelets d'Anna s'imprimait en rouge sur sa peau. « De la lâcheté ! Cela s'applique à celle qui abandonne son fils et son mari pour un amant et n'en mange pas moins le pain de ce mari. » Anna baissa la tête. La justesse de ses paroles l'écrasait. Elle n'osa plus, comme la veille, accuser son mari d'être de trop, et elle répondit doucement. « Vous ne pouvez juger ma position plus sévèrement que je ne la juge moi-même. Mais pourquoi me dites-vous cela ? Pourquoi je vous le dis ? » continua-t-il avec colère. Ben c'est afin que vous sachiez que, puisque vous ne tenez aucun compte de ma volonté, je vais prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation. » Oh, bientôt, bientôt, elle se terminera d'elle-même, dit Anna, les yeux pleins de larmes, à l'idée de cette mort qu'elle sentait prochaine et maintenant si désirable. Plutôt même que vous et votre amant ne l'aviez imaginé. Ah, vous cherchez la satisfaction des passions sensuelles. Alexis Alexandrovitch, c'est peu généreux, peu convenable de frapper quelqu'un à terre. Oh, vous ne pensez jamais qu'à vous. Les souffrances de celui qui a été votre mari vous intéressent peu. Qu'importe que sa vie soit bouleversée, qu'il souffre. » Et dans son émotion, Alexis Alexandrovitch parlait si vite qu'il bredouillait, et ce bredouillement parut comique à Anna, qui se reprocha cependant aussitôt de pouvoir être sensible au ridicule dans un moment pareil. Pour la première fois et pendant un instant, elle comprit la souffrance de son mari et le plaignit. Mais que pouvait-elle dire et faire, sinon se taire et baisser la tête? Lui aussi se tut, puis reprit d'une voix sévère en soulignant les mots qui n'avaient aucune importance spéciale. « Je suis venu vous dire... » Elle jeta un regard sur lui et, se rappelant son bredouillement, se dit « Oh non, cet homme aux yeux mornes, si plein de lui-même, ne peut rien sentir. J'ai été le jouet de mon imagination. Je ne puis changer, » murmura-t-elle. « Je suis venu vous prévenir que je partais pour Moscou et que je ne rentrerai plus dans cette maison. Vous apprendrez les résolutions auxquelles je me serai arrêté par l'avocat qui se chargera des préliminaires du divorce. Mon fils ira chez une de mes parentes, » ajouta-t-il, se rappelant avec effort ce qu'il voulait dire relativement à l'enfant. « Oh, vous prenez Serge pour me faire souffrir, » balbutia-t-elle en levant les yeux sur lui. « Mais vous ne l'aimez pas. « Laissez-le-moi. » C'est vrai, la répulsion que vous m'inspirez rejaillit sur mon fils, mais je le garderai néanmoins. Adieu !» Il voulut sortir, elle le retint. « Alexis Alexandrovitch, laissez-moi, Serge, » dit-elle encore. « Je ne vous demande que cela. Laissez-le jusqu'à ma délivrance. » Alexis Alexandrovitch rougit, repoussa le bras qui le retenait et partit sans répondre. Le salon de réception de l'avocat célèbre chez lequel se rendit Alexis Alexandrovitch était plein de monde lorsqu'il y entra. Trois dames, l'une vieille, l'autre jeune et la troisième appartenant visiblement à la classe des marchands, y attendaient, ainsi qu'un banquier allemand portant au doigt une grosse bague, un marchand à longue barbe et un tchinovnik revêtu de son uniforme avec une décoration au cou. L'attente avait évidemment été longue pour tous. Deux secrétaires écrivaient en faisant grincer leurs plumes. L'un d'eux tourna la tête d'un air mécontent vers le nouvel arrivé et, sans se lever, lui demanda en clignant des yeux « Que désirez-vous ? Je voudrais parler à monsieur l'avocat. » « Il est occupé, » répondit sévèrement le secrétaire, en désignant avec sa plume ce qui attendait déjà, et il se remit à écrire. « Ne trouvera-t-il pas un moment pour me recevoir ?» demanda Alexis Alexandrovitch. « Monsieur l'avocat n'a pas un instant de liberté, il est toujours occupé, veuillez attendre. « Ayez la bonté de lui passer ma carte, » dit Alexis Alexandrovitch avec dignité, voyant que l'incognito était impossible à garder. Le secrétaire prit la carte, l'examina d'un air mécontent et sortit. Alexis Alexandrovitch approuvait en principe la réforme judiciaire, mais critiquait certains détails autant qu'il était capable de critiquer une institution sanctionnée par le pouvoir suprême. En toute chose, il admettait l'erreur comme un mal inévitable, auquel on pouvait, dans certains cas, porter remède. Mais la position importante faite aux avocats par cette réforme avait toujours été l'objet de sa désapprobation, et l'accueil qu'on lui faisait ne détruisait pas ses préventions. « Monsieur l'avocat va venir, » dit en rentrant le secrétaire. Effectivement, au bout de 2 minutes, la porte s'ouvrit et l'avocat parut, escortant un vieux jurisconsulte maigre. L'avocat était un petit homme chauve, trapu, avec une barbe noire tirant sur le roux, un front bombé et de gros sourcils clairs. Sa toilette, depuis sa cravate et sa chaîne de montre, double jusqu'au bout de ses bottines vernies, était celle d'un jeune premier. Sa figure était intelligente et vulgaire, sa mise prétentieuse et de mauvais goût. « Veuillez entrer, » dit-il en se tournant vers Alexis Alexandrovitch, et le faisant passer devant lui, il ferma la porte. Il avança un fauteuil près de son bureau chargé de papier, pria Alexis Alexandrovitch de s'asseoir, et frottant l'une contre l'autre ses mains courtes et velues, il s'installa devant le bureau dans une pose attentive. Mais à peine assis, une bite vola au-dessus de la table, et le petit homme, avec une vivacité inattendue, la happa au vol, puis il reprit bien vite sa première attitude. « Avant de commencer à vous expliquer mon affaire, » dit Alexis Alexandrovitch, suivant d'un œil étonné les mouvements de l'avocat, « permettez-moi de vous faire observer que le sujet qui m'amène doit rester secret entre nous. » Un imperceptible sourire effleura les lèvres de l'avocat. « Si je n'étais pas capable de garder un secret, je ne serais pas avocat, » dit-il. « Mais si vous désirez être assuré... » Alexis Alexandrovitch jeta un regard sur lui et crut remarquer que ses yeux gris pleins d'intelligence avaient tout deviné. « Vous connaissez mon nom ? Oh ! Je sais combien vos services sont utiles à la Russie, » répondit en s'inclinant l'avocat après avoir attrapé une seconde mite. Alexis Alexandrovitch soupira. Il se décidait avec peine à parler. Mais lorsqu'il eut commencé, il continua sans hésitation, de sa voix claire et perçante, en insistant sur certains mots. « J'ai le malheur, commença-t-il, d'être un mari trompé. Je voudrais rompre légalement par un divorce les liens qui m'unissent à ma femme et surtout séparer mon fils de sa mère. » Les yeux gris de l'avocat faisaient leur possible pour rester sérieux, mais Alexis Alexandrovitch ne put se dissimuler qu'ils étaient pleins d'une joie qui ne provenait pas uniquement de la perspective d'une bonne affaire. C'était de l'enthousiasme, du triomphe, quelque chose comme l'éclat qu'il avait remarqué dans les yeux de sa femme. « Vous désirez mon aide pour obtenir le divorce ?»« Précisément, mais je risque peut-être d'abuser de votre attention, car je ne suis préalablement venu que pour vous consulter. Je tiens à rester dans de certaines bornes et renoncerait au divorce s'il ne pouvait se concilier avec les formes que je veux garder. « Oh, vous demeurez toujours parfaitement libre, » répondit l'avocat. Le petit homme, pour ne pas offenser son client par une gaieté que son visage cachait mal, fixa ses yeux sur les pieds d'Alexis Alexandrovitch, et quoiqu'il aperçût du coin de l'œil une mite volée, il retint ses mains par respect pour la situation. « Les lois qui régissent le divorce me sont connues dans leurs traits généraux, » dit Karénine, « mais j'aurais voulu savoir les diverses formes usitées dans la pratique. » « En un mot, vous désirez apprendre par quelle voie vous pourriez obtenir un divorce légal, » dit l'avocat en entrant avec un certain plaisir dans le ton de son client. Et, sur un signe affirmatif de celui-ci, il continua, en jetant de temps en temps un regard furtif sur la figure d'Alexis Alexandrovitch que l'émotion tachetait de plaques rouges. « Le divorce, selon nos lois, il eut une nuance de dédain pour nos lois, est possible, comme vous le savez, dans les trois cas suivants. Qu'on attende !» s'écria-t-il à la vue de son secrétaire qui entr'ouvrait la porte. Il se leva cependant, alla lui dire quelques mots et revint s'asseoir. « Dans les trois cas suivants, défaut physique d'un des époux, Disparition de l'un d'eux pendant 5 ans. Et ils plièrent en faisant cette énumération ses gros doigts velus l'un après l'autre. Et enfin l'adultère. Il prononça ce mot d'un ton satisfait. Voilà le côté théorique. Mais je pense qu'en me faisant l'honneur de me consulter, c'est le côté pratique que vous désirez connaître. Aussi, le cas de défaut physique et d'absence d'un des conjoints n'existant pas, autant que j'ai pu le comprendre. Alexis Alexandrovitch inclina affirmativement la tête. Reste l'adultère de l'un des deux époux, auquel cas l'une des parties doit se reconnaître coupable envers l'autre, faute de quoi il ne reste que le flagrant délit. Ce dernier cas, j'en conviens, se rencontre rarement dans la pratique. L'avocat se tut et regarda son client de l'air d'un armurier qui expliquerait à un acheteur l'usage de 2 pistolets de modèles différents en lui laissant la liberté du choix. Alexis Alexandrovitch, gardant le silence, il continua. « Le plus simple, le plus raisonnable est, selon moi, de reconnaître l'adultère par consentement mutuel. » Je n'oserais parler ainsi à tout le monde, mais je suppose que nous nous comprenons. Alexis Alexandrovitch était si troublé que l'avantage de la dernière combinaison que lui proposait l'avocat lui échappait complètement, et l'étonnement se peignit sur son visage. L'homme de loi vint aussitôt à son aide. Je suppose que 2 époux ne puissent plus vivre ensemble si tous deux consentent au divorce. Les détails et les formalités deviennent sans importance. Ce moyen est le plus simple et le plus sûr. » Alexis Alexandrovitch comprit cette fois, mais ses sentiments religieux s'opposaient à cette mesure. « Ah, dans le cas présent, ce moyen est hors de question, dit-il. Des preuves comme une correspondance peuvent-elles établir indirectement l'adultère ? Ces preuves-là sont en ma possession. » L'avocat fit en serrant les lèvres une exclamation tout à la fois de compassion et de dédain. « Mais veuillez ne pas oublier que les affaires de ce genre sont du ressort de notre haut clergé, dit-il. Nos archiprêtres aiment fort à se noyer dans de certains détails, ajouta-t-il avec un sourire de sympathie pour le goût de ses bons pères, et les preuves exigent des témoins. Si vous me faites l'honneur de me confier votre affaire, il faut me laisser le choix des mesures à prendre. Qui veut la fin, veut les moyens. » Alexis Alexandrovitch se leva très pâle, tandis que l'avocat courait encore vers la porte répondre à une nouvelle interruption de son secrétaire. « Ben dites-lui donc que nous ne sommes pas dans une boutique » cria-t-il avant de revenir à sa place, et il attrapa, chemin faisant, une mite en murmurant tristement « Oh, jamais mon repos n'y résistera. Vous me faisiez l'honneur de me dire « Je vous écrirai à quelle partie je m'arrête » répondit Alexis Alexandrovitch, s'appuyant à la table, « et puisque... je puis conclure de vos paroles que le divorce est possible. Je vous serais obligé de me faire connaître vos conditions. Oh, tout est possible, si vous voulez bien me laisser une entière liberté d'action, dit l'avocat éludant la dernière question. Quand puis-je compter sur une communication de votre part? Demanda-t-il en reconduisant son client avec des yeux aussi brillants que ses bottes. « Dans 8 jours, vous aurez la bonté de me faire savoir si vous acceptez l'affaire et à quelles conditions. »« Parfaitement. » L'avocat salua respectueusement, fit sortir son client et, resté seul, sa joie déborda. Il était si content qu'il fit, contrairement à tous ses principes, un rabais à une dame habile dans l'art de marchander. Il oublia même les mites, résolu à recouvrir, l'hiver suivant, son meuble de velours, comme chez son confrère Séganine. La brillante victoire remportée par Alexis Alexandrovitch dans la séance du 17 août avait eu des suites fâcheuses. La nouvelle commission, nommée pour étudier la situation des populations étrangères, avait agi avec une promptitude qui frappa Karénine. Au bout de 3 mois, elle présentait déjà son rapport. L'état de ces populations se trouvait étudié au point de vue politique, administratif, économique, ethnographique, matériel et religieux. Chaque question était suivie d'une réponse admirablement rédigée, et ne pouvant laisser subsister aucun doute, car ces réponses n'étaient pas l'œuvre de l'esprit humain toujours sujet à l'erreur, mais d'une bureaucratie pleine d'expérience. Ces réponses se fondaient sur des données officielles, telles que rapports des gouverneurs et des archevêques, fondées eux-mêmes sur les rapports des chefs de district et des surintendants ecclésiastiques, fondées à leur tour sur les rapports des administrations communales et des paroisses de campagne. Comment douter de leur exactitude? Des questions comme celle-ci... Pourquoi les récoltes sont-elles mauvaises et pourquoi les habitants de certaines localités s'abstiennent-ils à pratiquer leur religion? Question que la machine officielle pouvait seule résoudre et auxquelles des siècles n'auraient pas trouvé de réponse, furent clairement résolues conformément aux opinions d'Alexis Alexandrovitch. Mais Strebov, piqué au vif, avait imaginé une tactique à laquelle son adversaire ne s'attendait pas. Entraînant plusieurs membres du comité à sa suite, il passa tout à coup dans le camp des Karénines et, non content d'appuyer les mesures proposées par celui-ci avec chaleur, il en proposa d'autres dans le même sens qui dépassèrent de beaucoup les intentions d'Alexis Alexandrovitch. Poussés à l'extrême, ces mesures parurent si absurdes que le gouvernement, l'opinion publique, les dames influentes, les journaux furent tous indignés et leur mécontentement rejaillit sur le père de la commission, Karénine. Enchanté du succès de sa ruse, Stremov prit un air innocent, s'étonna des résultats obtenus et se retrancha derrière la foi aveugle qui lui avait inspiré le plan de son collègue. Alexis Alexandrovitch, quoique malade et très affecté de tous ses ennuis, ne se rendit pas. Une scission se produisit au sein du comité. Les uns, avec Stremov, expliquèrent leur erreur par un excès de confiance et déclarèrent les rapports de la commission d'inspection absurdes. Les autres, avec Karénine, redoutant cette façon révolutionnaire de traiter une commission, la soutinrent. Les sphères officielles et même la société virent s'embrouiller cette intéressante question à tel point que la misère et la prospérité des populations étrangères devinrent également problématiques. La position de Karénine, déjà minée par le mauvais effet que produisaient ses malheurs domestiques, parut chanceler. Il eut alors le courage de prendre une résolution hardie. Au grand étonnement de la commission, il déclara qu'il demandait l'autorisation d'aller étudier lui-même ces questions sur les lieux, et l'autorisation lui ayant été accordée, il partit pour un gouvernement lointain. Ce départ fit grand bruit, d'autant plus qu'il refusa officiellement les frais de déplacement fixé à 12 chevaux de poste. Alexis Alexandrovitch passa par Moscou et s'y arrêta 3 jours. Le lendemain de son arrivée, comme il venait de rendre visite au général-gouverneur, il s'entendit héler dans la rue des Gazettes, à l'endroit où se croisent en grand nombre les voitures de maître et les izvolchiks, et se retournant à l'appel d'une voix gaie et sonore, il aperçut Stepan Arkadievitch sur le trottoir. Vêtu d'un paletot à la dernière mode, le chapeau avançant sur son front brillant de jeunesse et de santé, il appelait avec une telle persistance que Karénine dut s'arrêter. Dans la voiture, à la portière de laquelle Stepan Arkadievitch s'appuyait, était une femme en chapeau de velours avec deux enfants. Elle faisait des gestes de la main en souriant amicalement. C'était Dolly et ses enfants. Alexis Alexandrovitch ne comptait pas voir de monde à Moscou. Le frère de sa femme, moins que personne. Aussi voulut-il continuer son chemin après avoir salué, mais Oblonsky fit signe au cocher d'arrêter et courut dans la neige jusqu'à la voiture. « Mais depuis quand es-tu ici? N'est-ce pas un péché de ne pas nous prévenir? J'ai vu hier soir chez Dussault le nom de Karénine sur la liste des arrivants, et l'idée ne m'est pas venue que ce fût toi, » dit-il en passant sa tête à la portière et en secouant la neige de ses pieds en les frappant l'un contre l'autre. « Mais comment ne pas nous avoir avertis ?»« Le temps m'a manqué, je suis très occupé, » répondit sèchement Alexis Alexandrovitch. « Mais viens voir ma femme, elle le désire beaucoup. » Karénine ôta le plaid qui recouvrait ses jambes frileuses et, quittant sa voiture, se fraya un chemin dans la neige jusqu'à celle de Dolly. « Mais que se passe-t-il donc, Alexis Alexandrovitch, pour que vous nous évitiez ainsi ?» dit celle-ci en souriant. « Oh, charmé de vous voir, » répondit Karénine d'un ton qui prouvait clairement le contraire. « Et votre santé ?»« Et que fait ma chère Anna ?» Alexis Alexandrovitch murmura quelques mots et voulut se retirer, mais Stepan Arkadievitch l'en empêcha. « Sais-tu ce que nous allons faire ? Dolly, invite-le à dîner pour demain avec Kosnichev et Petsov, l'élite de l'intelligence moscovite. « Venez, je vous en prie, » dit Dolly. « Nous vous attendrons à l'heure qui vous conviendra, à 5 à 6 heures, comme vous voudrez. »« Et ma chère Anna, il y a si longtemps ?»« Elle va bien, » murmura encore Alexis Alexandrovitch en fronçant le sourcil. « Très heureux de vous avoir rencontré. » Et il regagna sa voiture. « Vous viendrez ?» cria encore Dolly. Karénine répondit quelques mots qui ne parvinrent pas jusqu'à elle. J'entrerai chez toi demain, cria aussi Stepan Arkadievitch. Alexis Alexandrovitch s'enfonça dans sa voiture comme s'il eût voulu y disparaître. Quel original, dit Stepan Arkadievitch à Dolly. Et regardant sa montre, il fit un petit signe d'adieu caressant à sa femme et à ses enfants et s'éloigna d'un pas ferme. Stiva, Stiva, lui cria Dolly en rougissant. Il se retourna. Et l'argent pour les paletots des enfants? Oh, tu diras que je passerai. Et il disparut, saluant gaiement au passage quelques personnes de connaissance. Le lendemain, c'était un dimanche, Stepan Arkadievitch entra au Grand Théâtre pour y assister à la répétition du ballet, et profitant de la demi-obscurité des coulisses, il offrit à une jolie danseuse qui débutait sous sa protection la parure de corail qu'il lui avait promise la veille. Il eut même le temps d'embrasser le visage radieux de la jeune fille et de convenir avec elle du moment où il viendrait la prendre après le ballet pour l'emmener souper. Du théâtre, Stepan Arkadievitch se rendit au marché pour y choisir lui-même du poisson et des asperges pour le dîner, et à midi, il était chez Dussault, où 3 voyageurs de ses amis avaient eu l'heureuse idée de se loger. Lévine, de retour de son voyage, un nouveau chef fraîchement débarqué à Moscou pour une inspection, et enfin son beau-frère Karénine. Stepan Arkadievitch aimait à bien dîner, mais ce qu'il préférait encore, c'était d'offrir chez lui à quelques convives choisis un petit repas bien ordonné. Le menu qu'il combinait ce jour-là lui souriait. Du poisson bien frais, des asperges et comme pièce de résistance un simple mais superbe roast-beef. Quant aux convives, ils comptaient réunir Kitty et Levin, et afin de dissimuler cette rencontre, une cousine et le jeune Cherbatsky. Le plat de résistance parmi les invités devait être Serge Kosnichev, le philosophe moscovite, joint à Karénine, l'homme d'action pétersbourgeois. Pour servir de trait d'union entre eux, il avait encore invité Petsov, un charmant jeune homme de 50 ans, enthousiaste, musicien, bavard, libéral, qui mettrait tout le monde en train. La vie souriait en ce moment à Stepan Arkadievitch. L'argent rapporté par la vente du bois n'était pas entièrement dépensé. Dolly, depuis quelque temps, était charmante. Tout aurait été pour le mieux si deux choses ne l'avaient désagréablement impressionné, sans toutefois troubler sa belle humeur. D'abord, l'accueil sec de son beau-frère. En rapprochant la froideur d'Alexis Alexandrovitch de certains bruits qui étaient parvenus jusqu'à lui sur les relations de sa sœur avec Vronsky, il devinait un incident grave entre le mari et la femme. Le second point noir était l'arrivée du nouveau chef auquel on faisait une réputation inquiétante d'exigence et de sévérité. Infatigable au travail, il passait encore pour être bourru et absolument opposé aux tendances libérales de son prédécesseur, tendance que Stepan Arkadievitch avait partagée. La première présentation avait eu lieu la veille en uniforme et Oblonsky avait été si cordialement reçu qu'il jugeait de son devoir de faire une visite non officielle. Comment serait-il reçu cette fois? Il s'en préoccupait, mais sentait instinctivement que tout s'arrangerait parfaitement. Bah, pensait-il, ne sommes-nous pas tous pêcheurs? Pourquoi nous chercherait-il noises? Stepan Arkadievitch entra d'abord chez Levin. Celui-ci était debout au milieu de sa chambre et prenait avec un paysan la mesure d'une peau d'ours. « Ah, vous en avez tué un ?» s'écria Stepan Arkadievitch en entrant. « Oh, la belle pièce, une ours. Bonjour, l'archip !» Et s'asseyant en paletot et en chapeau, il tendit la main au paysan. « Oh, ôte donc ton paletot et reste un moment, » dit Levin. « Oh, j'ai pas le temps, je suis entré pour un instant, » répondit Oblonsky, ce qui ne l'empêcha pas de déboutonner son paletot puis de l'ôter et de rester toute une heure à bavarder avec Levin sur sa chasse et sur d'autres sujets. « Dis-moi ce que tu as fait à l'étranger, où as-tu été ?» demanda-t-il lorsque le paysan fut parti. « Oh, j'étais en Allemagne, en France, en Angleterre, mais seulement dans les centres manufacturiers et pas dans les capitales. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes. Oui, oui, je sais, tes idées d'associations ouvrières. Oh non, il n'y a pas de question ouvrière pour nous. La seule question importante pour la Russie est celle des rapports du travailleur avec la terre. Elle existe bien là-bas aussi. Mais les raccommodages y sont impossibles, tandis qu'ici... Oblonsky écoutait avec attention. « Oui, oui, il est possible que tu aies raison, mais l'essentiel est de revenir en meilleure disposition. Tu chasses l'ours, tu travailles, tu t'enthousiasmes, tout va bien. » Cherbatsky m'avait dit t'avoir rencontré, sombre et mélancolique, ne parlant que de mort. « C'est vrai, je ne cesse de penser à la mort, » répondit Levin. « Tout est vanité, il faut mourir. » J'aime le travail, mais quand je pense que cet univers dont nous nous croyons les maîtres se compose d'un peu de moisissure couvrant la surface de la plus petite des planètes, quand je pense que nos idées, nos œuvres, enfin ce que nous croyons faire de grand, sont l'équivalent de quelques grains de poussière. Ben, tout cela est vieux comme le monde, frère. C'est vieux, mais... quand cette idée devient claire pour nous, combien la vie paraît misérable. Quand on sait que la mort viendra, qu'il ne restera rien de nous, les choses les plus importantes semblent aussi mesquines que le fait de tourner cette peau d'ours. C'est pour ne pas penser à la mort qu'on chasse, qu'on travaille, qu'on cherche à se distraire. Stepan Arkadievitch sourit et regarda Lénine de son regard caressant. Tu vois bien que tu avais tort en tombant sur moi parce que je cherchais des jouissances dans la vie. Ne sois pas si sévère, ô moraliste. Ce qu'il y a de bon dans la vie, répondit Lévin, s'embrouillant. Au fond, je ne sais qu'une chose. C'est que nous mourrons bientôt. Mais pourquoi bientôt? Sais-tu, la vie offre, il est vrai, moins le charme quand on pense ainsi à la mort, mais elle a plus de calme. Il faut jouir de son reste, au contraire. Mais, dit Stepan Arkadievitch en se levant pour la dixième fois, allez, je me sauve. Reste encore un peu, dit Lévin en le retenant. Quand nous reverrons-nous maintenant, je pars demain. Oh, et moi qui oubliais le sujet qui m'amène, je tiens absolument à ce que tu viennes dîner avec nous aujourd'hui. Ton frère sera des nôtres, ainsi que mon beau-frère, Karénine. Il est ici ? Demanda Lévin, mourant d'envie d'avoir des nouvelles de Kitty. Il savait qu'elle avait été à Pétersbourg au commencement de l'hiver, chez sa sœur mariée à un diplomate. « Tant pis, pensa-t-il, qu'elle soit revenue ou non, j'accepterai. »« Reviendras-tu ? » ?»« Oh, certainement, à 5 heures en redingote. » Et Stepan Arkadievitch se leva et descendit chez son nouveau chef. Son instinct ne l'avait pas trompé. Cet homme terrible se trouva être un bon garçon, avec lequel il déjeuna et s'attarda à causer, si bien qu'il était près de 4 heures lorsqu'il entra chez Alexis Alexandrovitch.